Le repas de noces. Je fus invité, après l'août dernière, à la fête des noces d'un jeune homme qui se disait mon cousin du côté de la belle-sœur de la cousine de la femme du fils de mon oncle, Badilon. J'y trouvai plusieurs bons compagnons et le repas fut servi dans la chambre située juste au-dessus de la cave. On ne pensa bientôt plus qu'à faire bonne chère et les propos qui convenaient à la chose. « Donnez-moi de ceci, disait l'un, mais ne m'ôtez point ça, servez-moi sans me desservir. Voulez-vous ce pied de cochon, madame? Cela fait dormir. Ah, Dieu pardonne à un tel, le pauvre. Voici le morceau qu'il aimait le mieux. Du vin ou je vais en demander? Au matin, du vin pur, le soir, du vin sans eau. Donnez-moi ces pigeonneaux, disait quelqu'un, je les mettrai sous mon gilet. Eh, eh! Le morceau honteux demeurera-t-il sur le plat? Je l'en empêcherai bien. À propos, j'ai oublié de laver les tripes du veau que j'ai habillé ce matin. À boire, mon garçon, je te servirai le jour de tes noces. Point d'eau, le vin est assez fort. D'un coup, allons, verse tout plein. La nature est le vide. Passez muscade, il n'y a point de sorcellerie, chacun l'a vu. Ah, si je montais comme j'avale! Que je serais haut déjà. Et ainsi chacun s'amusait à doubler le moule de son ventre, quand voici que le plancher où nous étions assis s'effondra, nous par-dessus, et tomba au fond de la cave, sans qu'aucun des convives ne fût le moins du monde incommodé. Comment, dit l'un, où sommes-nous? Mais je crois que c'est dans la cave. N'y a-t-il personne de blessé? Personne. Et je n'en ai pas, Dieu merci, perdu un coup de dent. Une chose surtout m'ébahit. Il n'y eut pas une goutte de vin répandue, pas un verre cassé, pas un rôti gâté, pas le moindre accident, enfin. Sinon que le joueur de viol perdit sa manivelle. Ce qui fit que, durant la soirée, on ne dansa plus que des lèvres. Qui n'est constant, ferme et bien stable, souvent tombe en erreur damnable.